Chapitre 6 La chèvre de Peter. Mamie se sentit presque intimidée, mais Peter ne savait pas ce que c'était d'être timide. Il lui dit aimablement « J'espère que vous avez bien passé la nuit. »« Merci, » répondit-elle, « j'avais une chambre chaude et confortable. »« Mais vous, » ajouta-t-elle, n'osant pas regarder sa nudité, « ne sentez-vous pas un peu le froid ?» Or, froid, c'était encore un mot que Peter avait oublié. Il répondit donc « Je ne crois pas, mais j'ai peut-être tort. Voyez-vous, je suis un peu ignorant, je ne suis pas tout à fait un garçon. Salomon dit que je suis entre les deux. On est ce que l'on s'appelle, » dit Mamie en réfléchissant. « Ce n'est pas mon nom, » expliqua-t-il. « Je m'appelle Peter Pan. » « Sans doute, » dit-elle, « je le sais, tout le monde le sait. » Vous ne pouvez pas vous imaginer combien Peter fut heureux d'apprendre que tout le monde le connaissait en dehors du jardin. Il pria Mamie de lui dire ce qu'on savait et ce qu'on disait de lui, et elle le lui dit. Ils étaient alors assis sur un tronc d'arbre renversé. Peter avait balayé la neige à la place de Mamie, mais il s'était assis lui-même par-dessus. « Venez plus près, » lui dit Mamie, et il se rapprocha. Ils causèrent. Peter vit qu'on savait beaucoup de choses sur lui, mais qu'on ne savait pas tout. On ne savait pas, par exemple, qu'il était retourné auprès de sa mère et qu'il avait trouvé la fenêtre fermée. Mais il n'en dit rien à Mamie, car il se sentait humilié. « Sait-on que je joue à divers jeux exactement comme les vrais garçons ?» demanda-t-il fièrement. « Oh, Mamie, dites-le à vos amis. » Mais quand il lui montra comment il jouait, en poussant son cerceau sur le bassin et ainsi de suite, elle en fut scandalisée. « Votre façon de jouer, » lui dit-elle en fixant sur lui ses grands yeux, « est très très mauvaise. » Ce n'est pas du tout ainsi que jouent les garçons. » Le pauvre Peter poussa alors un petit gémissement et pleura pour la première fois, je ne sais combien de temps. Mamie le plaignait extrêmement. Elle lui prêta son mouchoir, mais il ne savait pas du tout ce que c'était. Elle lui apprit donc à s'en servir, c'est-à-dire qu'elle essuya ses yeux à elle. Puis elle lui tendit le mouchoir en lui disant « Faites comme moi !» Alors il prit le mouchoir et lui essuya les yeux. Elle fit semblant de croire que c'était bien et n'insista plus. Comme elle le plaignait, elle lui dit « Je vous donnerai un baiser si vous voulez. » Mais bien qu'il l'eût su autrefois, il avait oublié ce que c'était qu'un baiser. Il répondit « Merci !» en tendant la main pour prendre ce qu'elle allait lui donner. Elle en fut très contrariée, mais elle comprit qu'elle ne pouvait pas lui expliquer sans le faire rougir. Alors, avec une charmante délicatesse, elle donna à Peter un dé à coudre qu'elle avait par hasard dans sa poche, en lui disant que c'était un baiser. Pauvre petit, il la crut parfaitement, et depuis ce jour, il le porta à son doigt, bien qu'il fût impossible à qui que ce soit de se servir d'un dé aussi petit. Vous comprenez, quoiqu'il eût l'air d'un si petit enfant, il y avait en réalité des années et des années qu'il avait quitté sa mère, et je crois bien que le bébé qu'il avait supplanté auprès d'elle devait être déjà un barbon. Mais ne croyez pas que Peter Pan fût réellement un enfant à plaindre plutôt qu'à admirer. Mamie l'avait cru au commencement, mais bientôt elle reconnut qu'elle était dans l'erreur. Ses yeux brillaient d'admiration quand Peter lui raconta ses aventures, surtout quand il parla de ses excursions entre l'île et les jardins dans le nid de grive. « Oh, que c'est poétique !» s'écria Mamie. Mais c'était là un autre mot inconnu pour lui. Il baissa la tête, croyant que son ami le méprisait. Je pense que Tony n'aurait pas fait cela, dit-il humblement. Jamais, jamais, répondit-elle avec conviction. Il aurait eu peur. Qu'est-ce que c'est que peur? Demanda Peter avec instance. Il pensait que ce devait être quelque chose de magnifique. Je souhaite que vous m'appreniez à avoir peur, Mamie, dit-il. Elle répondit avec une candeur adorable. Je pense que personne ne pourrait vous apprendre cela à vous. Elle me croit donc bien stupide, pensa Peter. Elle lui avait parlé de Tony et du méchant tour qu'elle lui avait joué dans l'obscurité pour l'effrayer. Elle comprenait bien que c'était méchant. Mais Peter ne saisit pas le sens de ses paroles et il dit « Oh, je voudrais être aussi brave que Tony ». Cela indigna Mamie qui lui dit « Vous êtes 20 000 fois plus brave que Tony. Vous êtes certainement le garçon le plus brave que j'ai jamais connu. » À peine pouvait-il en croire ses oreilles. Mais quand il se convainquit de la sincérité de l'enfant, il poussa un cri de joie. « Et si vous avez bien envie de me donner un baiser, lui dit Mamie, vous pouvez le faire. » Peter, de mauvaise humeur, commença à retirer le dé qu'il portait au doigt, croyant qu'elle le lui redemandait. « Pas un baiser, dit Mamie troublée. « Je veux dire un dé. »« Qu'est-ce que c'est qu'un dé ?» demanda Peter. « C'est comme cela, » dit-elle, et elle l'embrassa. « Je serais très heureux de vous donner un dé, » dit Peter gravement, et il lui en donna un. Il lui donna ensuite un grand nombre de dés, et alors une idée délicieuse lui traversa l'esprit. « Mamie, » dit-il, « voulez-vous vous marier avec moi ?» Chose étrange, la même idée était venue au même instant à Mamie. « Je le voudrais bien, » dit-elle, « mais y a-t-il dans votre barque de la place pour deux ?»« Si nous nous serrons bien, oui, » dit-il passionnément. Les oiseaux n'en seraient peut-être pas contents. Il lui promit que les oiseaux seraient très heureux de l'avoir, mais moi je n'en suis pas bien sûr. Il lui dit aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux en hiver. « Naturellement, ajouta-t-il en balbutiant, ils pourront être jaloux de vos vêtements. » Elle fut quelque peu indignée à cette pensée. « Ils songent toujours à leur nid, dit-il pour s'excuser, et vous avez sur vous des choses qui doivent exciter leurs désirs, ajouta-t-il en caressant la fourrure de Mamie. « Ils n'auront pas ma fourrure, dit-elle vivement. « mais non, répondit-il tout en continuant à caresser la fourrure. « Oh, Mamie, dit-il avec transport, savez-vous pourquoi je vous aime ? C'est parce que vous ressemblez à un joli nid. » Elle trouva ce compliment d'un goût douteux. « En ce moment, dit-elle, vous parlez plutôt comme un oiseau que comme un garçon. » Et elle s'éloigna un peu. En effet, il avait plutôt l'air d'un oiseau. « Après tout, dit-elle, vous n'êtes qu'un entre les deux. » Mais voyant que cela lui faisait de la peine, elle ajouta aussitôt « Cela doit être un état délicieux. Venez donc avec moi, et vous le serez aussi, chère Mamie, » dit-il en l'implorant. Et ils se dirigèrent vers la barque, car l'heure de l'ouverture était proche. « Vous ne ressemblez pas du tout à un nid, » lui dit-il à l'oreille pour lui faire plaisir. « Mais ce doit être joli de ressembler à un nid, » dit-elle avec cet esprit de contradiction naturelle aux femmes. « Et puis, mon cher Peter, quoique je ne veuille pas leur donner ma fourrure, je ne m'opposerai pas à ce qu'ils y bâtissent leur nid. Ce serait drôle, un nid sur mon cou avec de petits œufs tachetés. Oh, Peter, que ce serait gentil !» Mais comme ils approchaient de la serpentine, elle frissonna un peu et dit « Naturellement, j'irai voir maman souvent, très souvent. Ce n'est pas comme si je lui disais adieu pour toujours. Je ne voudrais pas du tout cela. » « Oh non !» répondit Peter. Mais dans son cœur, il savait que c'était tout à fait probable. Et il aurait voulu le lui dire. Mais il avait une peur affreuse de la perdre. Il l'aimait tellement. Il sentait qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Elle oubliera sa mère avec le temps, se disait-il en lui-même, et elle sera heureuse avec moi. Et il la pressait vers la barque tout en lui donnant des dés. Mais après qu'elle eut vu la barque et qu'elle se fût extasiée sur sa gentillesse, elle parla encore de sa mère avec inquiétude. « Vous savez très bien, Peter, n'est-ce pas, que je ne voudrais pas aller avec vous sans être bien certaine que je pourrais revenir chez ma mère chaque fois que je le voudrais. Dites-le-moi, Peter. » Il le lui dit, mais il ne put la regarder en face. « Si vous êtes sûr que votre mère voudra toujours vous voir, » ajouta-t-il avec aigreur. « Quelle idée que ma mère ne veuille pas toujours me voir !» s'écria Mamie en s'animant. « Si elle ne vous ferme pas la porte au nez, » dit encore Peter âprement. « La porte sera toujours ouverte pour moi, » dit Mamie, « et ma mère m'attendra toujours. »« Alors, » dit Peter, « si vous en êtes tellement certaine, entrez. » Et il aida Mamie à passer dans le nid de grive. Sa figure avait une expression de férocité. « Mais pourquoi ne me regardez-vous pas ?» lui dit-elle en lui prenant le bras. Peter fit des efforts pour ne pas la voir. Il voulut se détacher de son étreinte. Puis, poussant un sanglot, il sauta sur la rive et s'assit sur la neige dans une grande détresse. Elle alla vers lui. « Mais qu'as-tu donc, mon chéri, mon cher Peter ?» dit-elle alarmée. « Oh, Mamie, gémit-il, ce n'est pas bien de vous prendre avec moi si vous croyez que vous pourriez revenir. Votre mère... » Et de nouveau il sanglota. « Vous ne les connaissez pas aussi bien que moi. » Alors seulement il lui raconta sa lamentable histoire. Il lui dit comment il avait été laissé dehors par sa mère. Et Mamie, suffoquée, répétait continuellement. « Mais, maman, maman !»« Oui, » dit Peter, « elles feraient de même. Elles sont toutes pareilles. Je suis sûre qu'elles cherchent déjà à vous remplacer. »« Non, » dit-elle, saisie d'horreur, « je ne peux pas le croire. Comprenez donc, quand vous êtes partie, votre mère n'avait pas d'autre enfant. » Mais maman a Tony, et certainement une mère est satisfaite quand elle a un enfant. » Peter répondit amèrement. « Si vous voyez les lettres que Salomon conserve de dames qui en avaient six. » En cet instant, ils entendirent un bruit qui faisait cric, cric par tout le jardin. C'était l'ouverture des portes. Peter sauta nerveusement dans sa barque. Il voyait bien que Mamie ne voudrait plus venir avec lui, et il essayait bravement de ne pas pleurer. Mais Mamie avait maintenant une amère crise de larmes. « Et si j'arrive trop tard ? » dit-elle dans un sanglot. « Oh, Peter, si elle en a déjà pris une autre !» De nouveau, il sauta sur la rive comme si elle l'avait appelé. « Je viendrai vous chercher cette nuit, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Mais si vous vous pressez, je pense que vous arriverez à temps. » Enfin, il posa un dernier dé sur sa douce petite bouche et se couvrit le visage de ses mains pour ne pas la voir partir. « Cher Peter, » cria-t-elle. « Cher Mamie, » cria l'enfant tragique. Elle tomba dans ses bras, de sorte que ce fut comme un mariage de fées, puis elle partit en courant. Oh, comme elle se pressait vers les portes! Peter vint certainement la nuit suivante dans le jardin, dès la fermeture des portes, mais il ne retrouva pas Mamie. C'est ainsi qu'il sut qu'elle était arrivée à temps. Pendant longtemps, il eut l'espoir qu'elle lui reviendrait quelque nuit. Souvent même, il crut la voir qui l'attendait sur le bord de la serpentine, quand sa barque s'approchait pour amarrer. Mais Mamie n'y revint jamais. Elle aurait bien voulu revenir, mais elle avait peur, si elle revoyait son cher entre les deux, de s'attarder trop longtemps avec lui. Et d'ailleurs, la gouvernante ne la quittait plus des yeux maintenant. mais elle parlait souvent de Peter comme d'un bon ami, et elle tricota pour lui un couvre-théière. Un jour, comme elle se demandait quel cadeau de Pâques elle pourrait bien lui offrir, sa mère eut une idée. « Rien, dit-elle sérieusement, ne lui serait plus utile qu'une chèvre. Il pourrait en faire sa monture, dit Mamie, et jouer de la musette tout en se promenant. » Alors sa mère lui demanda, « Voulez-vous lui donner votre chèvre, celle avec laquelle vous avez fait peur à Tony un soir ?»« Mais, dit Mamie, ce n'est pas une chèvre vivante. » »« Elle apparut bien vivante à Tony, répondit sa mère. » Elle m'a paru à moi aussi effroyablement vivante, dit Mamie. Mais comment pourrais-je la donner à Peter? Sa mère lui dit comment. Et le lendemain, accompagnée de Tony, qui était vraiment un gentil garçon, quoique naturellement il ne fût pas comparable à Peter, elles allèrent au jardin et Mamie s'arrêta seule dans un cercle de fées. Alors sa mère, qui était une dame très intelligente, dit « Ma fille, dis-moi si tu peux. Qu'as-tu apporté pour Peter Pan ?» À quoi Mamie répondit « Je lui apporte une chèvre pour qu'il monte dessus. Voyez, je la lance de tous côtés. » Elle étendit ses bras au loin, comme si elle semait de la graine, et fit trois tours. Tony dit ensuite « Si Peter la trouve encore ici, « elle ne pourra jamais me faire peur. » Et Mamie répondit, « Ni le jour ni la nuit, je jure fermement de ne jamais voir la chèvre nulle part. » Elle laissa aussi une lettre pour Peter, à un endroit où il pourrait la trouver, lui expliquant ce qu'elle avait fait et le priant de demander aux fées de changer la chèvre en une vraie qu'il pourrait monter. Et tout se passa comme elle l'avait espéré. Peter trouva la lettre, et d'ailleurs, rien n'était plus facile aux fées que de changer la chèvre en une vraie chèvre. Et c'est ainsi que Peter eut une chèvre sur laquelle il se promène chaque nuit dans les jardins, jouant délicieusement de la musette. Et Mamie tint sa promesse. Jamais plus elle n'effraya Tony avec une chèvre. Mais je me suis laissé dire qu'elle inventa pour cela un autre animal. Elle était déjà une grande jeune fille, qu'elle continuait encore à laisser des cadeaux dans les jardins pour Peter, avec des lettres où elle lui expliquait la manière de s'en servir. Et elle n'est pas la seule qui ait agi ainsi. David le fait aussi, et lui et moi, nous connaissons la meilleure cachette pour les cadeaux et les lettres, et nous pouvons vous le dire si vous voulez. Mais, pour l'amour de Dieu, ne nous le demandez pas devant Porthos, car il aime tellement les joujoux que, s'il découvrait l'endroit, il les prendrait tous. Bien que Peter se souvienne encore de Mamie, il est redevenu aussi gai qu'autrefois, et souvent, avec un bonheur sans mélange, il descend de sa chèvre, se couche par terre et se met à piétiner l'herbe joyeusement. Oh, il s'amuse bien! Mais il a encore un vague souvenir d'avoir été humain, et cela le rend particulièrement bon pour les hirondelles quand elles vont visiter l'île. Car les hirondelles sont les âmes des petits-enfants qui sont morts. Elles bâtissent toujours leur nid sous les toits des maisons où elles ont vécu quand elles étaient des humains. Et parfois, elles essaient de pénétrer par les fenêtres dans les chambres d'enfants. Et c'est peut-être pour cela que Peter les aime mieux que tous les autres oiseaux. Et la petite maison, toutes les nuits ordinaires, c'est-à-dire toutes, sauf les nuits de bal, les fées la reconstruisent, de peur qu'il y ait quelque enfant humain égaré dans les jardins. Et Peter parcourt les jardins pour chercher les enfants perdus, et quand il les trouve, il les transporte sur sa chèvre à la petite maison. Quand ils se réveillent, ils se trouvent enfermés, et quand ils en sortent, ils la voient. Les fées bâtissent la maison simplement parce qu'elle est jolie. Mais Peter amène les enfants en souvenir de Mamie et parce qu'il aime bien agir comme il croit que les vrais garçons agissent. Mais il ne faut pas vous imaginer que, parce que la maisonnette brille quelque part sous les arbres, il soit prudent de rester dans les jardins après la fermeture. Si par hasard les mauvaises fées étaient dehors cette nuit-là, elles vous feraient certainement du mal, et même si elles ne sont pas dehors, vous pourriez mourir de froid et de peur avant que Peter vienne à votre secours. Il est arrivé plusieurs fois qu'il s'est trouvé en retard. Quand il arrive en retard, il court au nid de grive pour chercher sa pagaie dont Mamie lui a appris à se servir. Il creuse une fosse pour l'enfant mort et la recouvre d'une petite pierre tombale sur laquelle il grave les initiales du pauvre petit. Il fait cela parce qu'il croit que les garçons l'auraient fait. Vous devez avoir remarqué qu'elles sont toujours placées deux par deux. Il les met ainsi pour qu'elles soient moins seules. Je crois qu'on ne peut rien voir de plus touchant dans les jardins que les deux petites tombes de Walter Stephen Matthews et de Phoebe Phelps. Elles sont situées côte à côte, à l'endroit où la paroisse de Westminster, Sainte-Marie, confine à celle de Paddington. C'est là que Peter rencontra les deux bébés que leur nourrice avait perdus. Phoebe n'avait que 13 mois, et Walter encore moins probablement, car Peter semble avoir omis, par délicatesse, de marquer son âge sur la pierre. Ils sont là, serrés l'un contre l'autre, et l'inscription porte seulement W. Sainte M. et 13 A. PP. 1841. David met de temps en temps quelques fleurs blanches sur ses innocentes tombes. Comme il doit être triste pour les parents qui reviennent à l'ouverture du jardin chercher leurs enfants égarés, de trouver à leur place ces chères petites pierres. Je souhaite vivement que Peter ne se presse pas trop d'employer sa bêche, car c'est vraiment bien triste.